voici qu'un couple charmant, comme nous jeunes et bien aimants. Viens et regarde, que de bonheur rien qu'à leur bord. Ils passent et ne nous voient pas, que Dieu les garde, que Dieu les garde. Ce sont des frères, mon cher cœur, que comme nous l'amour vainque. Fis l'un pour l'autre, à qu'ils soient heureux à leur tour. Embrassons-nous pour leur amour, et pour le nôtre, et pour le nôtre.